Une maison. Un immeuble. Le rez-de-chaussée. Le premier étage. Le deuxième étage. Le troisième étage. La ville. Le village. La campagne. Le centre-ville. La banlieue.